Phéromone versus œstrogène. Dormir 1 heure avant d'aller travailler, c'est une grande première pour Faustine qui, d'ordinaire, revendique haut et fort son quota de sommeil. Bizarrement, elle est tellement survoltée que ça se passe plutôt bien. Elle s'attendait à pire. Même si bosser, comme d'habitude, tout en jouant les innocentes, requiert une certaine maîtrise de soi. Maman étant la seule confidente de Faustine, faute de concurrence valable, il est difficile pour la jeune femme de conserver son jardin secret fermé en permanence. Elle meurt autant d'envie de raconter son grand bonheur que de le garder bien au chaud en elle. Mais cette fois, Faustine est stoïque. Elle s'impose de tenir le coup au moins 24 heures. Pendant ce temps, elle est sûre que personne ne pourra salir son bonheur ni la submerger de recommandations pragmatiques. Parfois, au détour d'un mouvement, l'odeur de Maxime s'échappe, la prenant par surprise. L'émotion est si violente alors que Faustine rit toute seule, cachée derrière sa machine à coudre. Elle a bien fait de ne pas se laver ce matin. La nuit se prolonge par sa mémoire olfactive. Que c'est bon! Penchée sur son ouvrage, elle se souvient. Il ne lui a peut-être pas dit « je t'aime », mais à un moment donné, elle ne l'a pas rêvé. Il lui a murmuré « Jouis, mon amour. » C'est presque aussi important, non? Dans ses bras, son amant renaissait, animé, spontané. Cette nuit, il s'est vraiment dévoilé. Jouisseur, esthète, libertin. Et cette moue de petit garçon, la main dans le bocal de friandises, tellement émouvante. Encore un souvenir qu'elle ne partagera pas avec ses petits-enfants, pense Faustine avec tendresse. Vers 16 heures, la jeune amante sent ses yeux se fermer. Il est temps de rentrer. Maman étant chez son coiffeur, il n'y a pas de témoin de sa désertion. Faustine ferme l'atelier, rejoint son nid. Un quart d'heure plus tard, elle entre en catalepsie. Vendredi matin, maman inaugure sa nouvelle coupe de cheveux. Aujourd'hui, on reçoit les représentants, à commencer par Monsieur Durieux, qui opère dans la moitié sud de la France. Agnès, en charge de la partie nord, viendra plus tard. Tout au long de la journée, le carnet de commandes se remplit. Les deux commis voyageurs ont été efficaces. Ils transmettent les appréciations des clients qui ne tarissent pas d'éloges. Jolie forme de vannerie, judicieux choix de tissu, excellent rapport qualité-prix. Ils sont ravis. Prochaine étape, la fête des mères. Le dernier week-end de mai, il va y avoir du boulot. Au vu de ce qui les attend, maman se fait inviter par papa chez Roger Verger, au moulin de Mougins, histoire de fêter leur succès et de prendre une petite avance sur les efforts à fournir. Quant à Faustine, sitôt rentrée chez elle, séance de maquillage, 3 petits tours dans la garde-robe, et avanti, dernière soirée avec Maxime. Cette fois, elle le retrouve directement chez lui. Faire attention que personne ne la voit entrer. Où il s'est mis au fourneau. L'occasion pour Faustine de constater qu'il ne craint pas de mettre la main à la pâte. Son omelette est délicieuse, accompagnée d'une salade. Il sait faire la sauce. Et d'un coup de rouge. Après quoi, les deux amoureux se retrouvent devant le feu à savourer du jazz. Rien ne doit gâcher cette ultime nuit. Faustine veut la vivre comme une fracture temporelle, une dérogation, un cadeau de la vie. Elle répète à Maxime qu'il n'est pas question pour elle de briser son ménage, d'enlever un père à ses enfants, de trahir une consœur. Pauvre cloche, pour ce dernier serment, il est bien trop tard. La trahison s'est mise en place, indéniablement, depuis leur premier regard au pied bleu. Va pour les autres fantasmes. Maxime agrée uniquement préoccupée par ce qui va suivre, puisqu'elle est venue jusqu'à lui. Et le miracle se reproduit comme 2 jours auparavant. Une entente si parfaite qu'elle en est inexprimable. Au petit matin, Maxime s'étonne, fasciné. « Qui es-tu, Faustine ?» Ange ou démon? Une chose est sûre, il refuse désormais de s'arrêter là. Peu importe les risques, les conséquences, les dégâts. Il supplie, encore. sa maîtresse de lui accorder un sursis, de le laisser décider quand le jeu s'arrêtera. Il la traite de sorcière, se plaint d'être envoûtée. Pour un peu, il la ferait brûler en place de grève. À d'autres moments, au cours de cette longue nuit, il se sent piégé, paniquant à l'idée de rompre le charme. Sans doute que si, à ce moment-là, Faustine lui avouait qu'elle n'a pas goûté au nirvana, tout en simulant le contraire, peut-être bien que l'enchantement aurait été rompu. Seulement voilà, Faustine a son sens de l'éthique. Une vraie femme qui respecte son mâle et sait à quel point il est vulnérable ménage son orgueil. C'est tout, une manière de faciliter les rapports, mettre de l'huile dans les rouages fragiles. Alors Faustine sourit, se tait et accepte de venir au Pied Bleu samedi prochain, sans condition. Au petit matin, elle accompagne Maxime à l'aéroport. Ils montent chercher sa petite famille à Paris. Après des adieux tendrement pudiques, elle s'en retourne chez elle, la tête farcie de questions. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Où est le bien? Où est le mal? Comment ça va finir tout ça? À supposer qu'ils poursuivent leur relation, vont-ils pouvoir la garder secrète? Éviter le scandale? Les ravages? Allons, Faustine, pourquoi te tourmenter? Le soleil brille, tu viens de passer une nuit extraordinaire. Tu es jeune, jolie, libre, et ce n'est pas toi qui prends tous les risques. Laisse-le donc assumer la responsabilité de votre histoire. Tu penseras aux choses sérieuses plus tard. Vois la nature qui sort de l'hiver. La mer qui moutonne et le printemps qui pointe à grandes envolées de mistral. N'est-ce pas fabuleux tout ça? Ça, oui, c'est formidable, se dit Faustine en entrant dans sa boulangerie préférée. 6 croissants, s'il vous plaît. Dès le lundi suivant, sans quitter des yeux la longue bande de tissu qui défile sous ses doigts, Faustine se renseigne. Maman, c'est puni par la loi de sortir avec un homme marié? Pas que je sache, ni de rentrer non plus. C'était bien? Waouh! Là, maman a marqué un gros point. Faustine est épatée par sa largesse d'esprit. Elle aurait pu penser pourtant qu'en tant que femme mariée elle-même, elle aurait éprouvé une certaine empathie pour l'épouse trompée. Mais non. Faustine répond donc « Oui. » C'était donc ça, ces silences, ces rires sous cape et ces téléphones? C'est le gérant du Pied Bleu, n'est-ce pas? Il a des enfants? Oui, c'est lui. Et oui, il a 2 enfants. Je te préviens juste de 2 choses, Fifi. Lesquelles? Amuse-toi comme tu veux aussi longtemps que ça te plaira. Sache seulement que malgré ce qu'on prétend, il est très rare qu'un père de famille divorce. S'il le faisait quand même, reconstruire un couple sur les cendres du précédent est loin d'être évident. Même dans un cas de divorce réussi, il subsistera un problème de confiance entre vous. Le fait qu'il ait divorcé pour toi ressortira un jour ou l'autre. Soit il te le fera payer d'une manière ou d'une autre, soit tu craindras qu'il te remplace par une plus jeune dès que tu mettras toi-même quelques rides. Je comprends. Mais rassure-toi, nous n'en sommes pas encore là, maman. Pour moi, il est hors de question qu'il divorce. Nous nous apprécions beaucoup, c'est tout. Essaye quand même de garder la tête froide, fillette, si tu ne veux pas trop souffrir. Samedi soir, au Pied Bleu, Faustine débute dans l'apprentissage de son rôle de maîtresse clandestine. Elle regarde à peine Maxime et, pour donner le change aux autres musiciens, va s'asseoir d'entrée à côté d'un vieux beau qui est venu tout seul, manifestement en quête d'aventure. Une qui n'est pas dupe, c'est Nathalie, la fille du pianiste, qui lui fait comprendre à la pause qu'elle a tout deviné. Très vite, les 2 jeunes femmes deviennent de parfaites complices. Nathalie explique à mots couverts à Faustine que son papa vit la même situation, ayant été jusqu'à installer sa maîtresse dans un studio à 2 pas d'ici. Elle n'est pas venue ce soir, mais si tu veux, on ira lui rendre visite samedi prochain. Après la soirée, Faustine, sortie première du Pied Bleu, attend Maxime dans l'encoignure d'une maison voisine. Elle espère avoir le temps de l'embrasser avant de rentrer à Grasse. Pas de galipette ce soir. C'est le batteur qui ferme la boutique. Maxime promet une solution pour la prochaine fois. Il a sa petite idée. Peu importe, en attendant, ils se retrouveront, si Faustine est d'accord, du côté de Saint-Janet le mercredi suivant. Maxime a encore le temps de dire à la jeune femme à quel point elle lui a manqué ces derniers jours. Sans cesse, il pense à elle. Elle honte ses jours, comme ses nuits. Il doit se retenir de hurler son nom quand il remplit ce qui est devenu un devoir conjugal. Désormais, il vit chaque minute dans l'attente de leur prochaine retrouvaille. Il la quitte en lui donnant une adresse ou lui envoyer du courrier. Écris-moi.